Section 2. Partie 2. Vie russe. Tout m'étonne et m'amuse. Je ne saurais compter dans ces années-là celle que j'ai passée en Estonie et qui fut froide et solennelle. Je suis à Pétersbourg, j'apprends le russe très vite. Au bout de 15 jours, je me débrouille seul dans les rues et les boutiques. Au bout de 6 mois, je comprends tout ce qui se dit autour de moi et je puis donner aux domestiques des ordres clairs et concis. Au bout d'un an, je lis Pouchkine, que je trouverai assommant toute ma vie, Lermontov, qui me fait pleurer à chaudes larmes, et le dramaturge Ostrovski, pour lequel je conçois une admiration que les années et la connaissance personnelle, venue plus tard, ne feront qu'accroître. Et puis je vais à Moscou une fois, 10 fois, ô cher Moscou, avec ses harmonies infinies de cloches, avec les chants liturgiques des couvents d'hommes ou de femmes, si beaux que rien ne saurait leur être comparé. Les églises sombres, où l'on peut si bien rêver, assis sur ses talons car il n'est pas d'autre siège, et le danger des passages de rivières, enivrants et mortels, sur les glaçons flottants, dirigés à l'aide de perches. Voici la seconde fois que je reviens dans ce pays aride et bien-aimé, où le sang français a coulé, en 1812, où le soc d'une charrue retourne de temps en temps une arme française. Les paysans et les paysannes russes m'adorent. Ils ne comprennent pas bien que je puisse lire et écrire leur langue, mais ils savent parfaitement que j'ai ouvert une école du dimanche. Asbuki, l'alphabet, notre père, et un minimum d'arithmétique. Il n'en faut guère plus pour remplir ce petit cerveau-là. N'empêche que tout mon loisir du dimanche y passe. Ce que tout le monde comprend, c'est qu'il y a eu une grande épidémie de fièvre pernicieuse en 1861 et que je suis allé dans toutes les maisons. Le plus proche médecin était à 50 verstes et n'aurait pas fait une course aussi longue pour sauver la vie d'un paysan. Aussi ne demandait-on pas de médecin. J'ai perdu quelques malades, très peu, grâce à un remède héroïque que je tenais des moines de Saint-Serge Troïtsa, des fleurs de muguet macérées dans l'eau de vie. J'avais horriblement peur en entrant dans les isbas contaminées, mais j'y suis allé tout de même et j'ai triomphé. Ce fut une reconnaissance sans bornes. On m'amena de bien loin tous les malades, les petits-enfants, que je guéris par centaines, les vieux, dont je soignais les ulcères. Seulement voilà, notre pharmacie est vide et la maîtresse de maison refuse absolument de débourser un copec pour la remplir. Tant pis, j'achèterai des remèdes avec mes appointements. Remèdes bien simples, mais qui agissent sur ces natures frustes. J'ai appris tout exprès la médecine dans Trousseau et Pidou, et les malades arrivent, et les mères pleurent, et les petits pleurent. Tout ce que je possède y passera, mais jamais argent n'aura été mieux dépensé. Les fraises. En 1863, quand nous revenons, les paysannes m'ont brodé des essuie-mains pendant ma longue absence. Les maîtres n'ont pas osé revenir en 1862, craignant des troubles à cause du partage des terres. Et je suis tous les jours comblé d'une telle quantité de frais pondus que la maison entière, maîtres et domestiques, pourrait vivre d'omelette. Le dimanche de la Pentecôte, en revenant de l'église, je sens, dès le corridor, une odeur fine et pénétrante. J'ouvre la porte du salon qui précède ma chambre. Au milieu, sur un énorme guéridon de style empire, orné d'une grille de cuivre découpée, je vois un amoncellement de fraises. Il y en a peut-être 50 000. Ce sont les paysannes, me dit-on, qui se sont levées de grand matin et les ont apportées pendant que je me rendais à l'église russe, peu éloignée. Je les regarde, je les respire. Une émotion étrange s'empare de moi. En cette saison, les fraises sont encore rares. Il a fallu se courber pour cueillir délicatement chacune d'elles. Que de peines et de reconnaissances dans ce tas de fruits parfumés. Et les donatrices anonymes n'ont laissé ni nom, ni carte, elles ne savent même pas ce que c'est. Mes yeux se brouillent et je pleure des larmes très douces. Cela vaut bien mes appointements. Le départ. Le feu a pris dans une forêt. Par hasard, nous nous trouvions là, étant allés voir la corvée qui travaillait. De village en village, assise en dame sur le cheval de l'intendant, la poitrine brisée par le pommeau de sa sale cosaque, un seul pied dans l'étrier, sous le soleil brûlant, j'ai parcouru les maisons pour chercher du secours. Heureusement, la sieste n'était pas terminée et j'ai pu ramener 200 hommes. J'ai fait 15 kilomètres au galop, je rentre dans la fumée. La flamme est parfois tout près de moi, si près que je recule instinctivement. Enfin, le feu s'éteint par les soins de la nouvelle corvée que j'ai amenée. Les paysans me regardent comme une sorte d'être surnaturel. Ils viennent me confier leur misère, me demander des conseils pour leur ménage. Tout le monde m'aime, excepté les femmes de la maison. Cela se comprend, j'ai rendu trop de services. Un jour vient où la coupe est comble. Malgré mon goût dépravé pour le sacrifice, je ne saurais en supporter davantage. Il est donc convenu que je partirai demain. On m'a refusé des chevaux, mais comme je ne puis aller à pied, l'arbitre de paix a offert de me prendre dans sa voiture jusqu'à la prochaine station, 40 kilomètres, où je trouverai une diligence. Par une anomalie bien curieuse, la maîtresse de la maison qui ne peut me souffrir et qui me laisse partir en me redevant 2 400 francs sur mes appointements, me confie, au moment du départ, un sac contenant 14 000 roubles que je remettrai à son mari à Saint-Pétersbourg. De moi et de sa dette, il n'est pas question. Si j'ouvrais le sac et si je prenais mon dû, par bonheur pour elle, j'ai encore un peu d'argent. L'arbitre de paix est arrivé, c'est un excellent homme. Je m'assieds près de lui et nous partons au grand trot. Qui donc a dit aux paysans et aux paysannes que je m'en allais pour ne plus revenir? Voilà qu'à la sortie du village, la Victoria découverte, sous le beau soleil d'octobre, est entourée d'une nuée toujours grandissante de ces gens au cœur simple. Ils prennent les chevaux par la bride et les obligent à aller au pas. « Tu t'en vas, notre mère bienfaitrice, qui donc à présent aura pitié de nous, qui nous soignera dans nos maladies et nous consolera dans nos peines ?» Impossible de leur faire entendre raison. L'arbitre de paix est ému, son cocher pleure à chaudes larmes et s'essuie sur sa manche. J'ai l'air tranquille, mais Dieu sait quelle tempête se déchaîne en moi. « Mes enfants, leur dis-je, mes chers enfants, vous ne pouvez que vous faire du tort. Retournez au village, je vous en prie. » Pas avant que tu aies franchi les limites du bien. Les bénédictions recommencent avec les larmes. Ils sont plus de 100, hommes et femmes, à se lamenter de mon départ. Et en effet, je ne sais pas qui prendra soin d'eux quand je ne serai plus là. Enfin, voici la barrière. Adieu, dis-je, mes chers enfants, ne vous souvenez que du bien que j'ai voulu vous faire et pardonnez-moi le mal que je vous aurais fait sans le vouloir. Lâchez les rênes et Dieu vous aide. Les hommes saluent par 3 fois jusqu'à terre, puis se tiennent debout, tête nue, livrant passage. Les femmes se sont couchées dans la poussière et poussent des hurlements plaintifs, comme au départ du père ou du mari, ou bien comme devant le cercueil d'un être cher, selon la coutume russe. Les chevaux vont grand train, et longtemps, longtemps. Pourtant, la plainte douloureuse des abandonnés me poursuit. « Ils vous aimaient, » me dit enfin l'arbitre de paix, dont les yeux sont rouges. Et je les aimais. Oh, chère, chère Russie, je ne t'ai jamais repris ce que je t'avais donné de mon âme, et je ne l'ai jamais si bien compris que ce jour-là. Arrivé à Pétersbourg, j'ai remis mon sac de roubles acquis de droit. On ne m'a pas offert d'argent, et je n'ai été payé que 6 mois plus tard, non sans grand-peine. Le Volga. Le mari de ma plus chère amie vient de perdre son père. Il faut aller là-bas, bien loin, sur le Volga. Elle n'ose s'aventurer seule avec lui et me prie de l'accompagner. Pourquoi pas? Et c'est ainsi que j'ai connu le Tchernasium, terre noire, et les Tabounes, de fougueux étalons, et les terres toujours labourées, jamais fumées, et surtout le Volga, merveilleux, avec ses grands vols de cygnes sauvages qui s'élèvent par 2 ou 3 000 et vont se poser ailleurs sur les rives plates et sablonneuses. C'est là que j'ai connu la lenteur amollissante des voyages sur l'eau, avec les ensablements, les arrêts forcés, les coups de sonde qui finissent par un choc brusque, les villes anciennes, les couvents légendaires sur les marges desquels on croit voir encore le sang répandu, et surtout le long des montagnes, aux portes de fer, l'eau du Volga, si bleue, si transparente que rien n'en rendra jamais la finesse et la couleur. Et si je n'avais pas aimé la Russie auparavant, je l'aurais aimée alors, dans ses vastes solitudes, à ne jamais l'oublier. Cher Volga, si cher qu'après 30 années passées, la vision de cette eau bleue coupée par l'avant du navire fait encore monter des larmes dans mes yeux fermés. 1863. En fleurs. Le seigle est en fleurs. À perte de vue, la steppe s'en va jusqu'à l'horizon. Pas un brin de bois, pas une maison pour reposer l'œil en cette étendue. Sous le clair soleil, notre seigle en fleurs, moiré comme une eau, s'incline et verdoie, et le pollen gris mollement ondoie au-dessus des champs comme une vapeur. Au-delà du fleuve, à travers les plaines, l'arôme puissant et subtil du blé porte au paysan qui dort accablé un rêve de joie et de grange pleine. L'espoir des moissons bannit tout chagrin. Des bords du Volga jusqu'à l'Atlantique, l'homme et l'animal chantent un cantique à la pâle fleur qui sera le grain. Les épis légers, balançant leur tête, à mon pas rythmé font une chanson. Là-haut, tout là-haut, vibre à l'unisson le chant éperdu de quelque alouette. Dans l'air imprégné de bonne chaleur, flotte le parfum qui porte l'ivresse, et sous le ciel pur, ivre d'allégresse, au soleil de mai, mon âme est en fleur. 1868-1888. Pays de la Hague. L'hiver viendra. Partout ailleurs, il arrachera les feuilles aux arbres, la verdure aux sentiers, la joie aux jardins. Dans ce pays sauvage, il ne changera rien. Les feuilles des ronces continueront à se balancer au bout des longues traînes. Les ajoncs reverdis se couvriront de fleurs d'or. La falaise et la mer demeureront les mêmes, et les chemins baignés de pluie n'en seront que plus verdoyants. Il y a des âmes que le temps ne saurait changer, des sentiments que l'âge ne saurait ternir. 1875. Algues. Les blocs se sont écroulés dans quelques tempêtes. Pris par l'océan qui, dans ses jours de fureur, les jette à la face de la terre, sa vieille rivale, ils se sont lentement arrondis et sont restés monstrueux. La fée marine, qui ne veut pas qu'un seul caillou reste sans parure, les a tapissés de longues herbes vertes, semblables à des écheveaux d'une soie délicate, et lorsque la mer se retire, ils paraissent brillants et doux au regard, comme une pelouse dans la forêt. 1875. Mer grise. Il pleut sur la mer grise. Le brouillard se confond avec l'écume. On ne voit rien à peu de distance, rien que la brume impalpable. Par la fenêtre ouverte, une douceur mélancolique pénètre avec la nuée qui a l'air d'une ouate. Il ne fait ni froid ni chaud. On ne sait trop si l'on appartient encore à ce monde, tant tout semble se fondre et se mêler dans une semi-transparence. 1875. La route. La route monte lentement entre deux haies plantées de hêtres gigantesques. De temps en temps, à droite ou à gauche, un sentier s'enfonce dans la verdure sous les branches entrecroisées. Là-bas, au bout de la route, le soleil est descendu sur la mer. Un chemin s'enfuit loin, très loin, on ne sait où. La poussière du jour est déjà retombée, presque endormie dans l'herbe des prés, et sur le ruban blanc, un piéton s'éloigne, décroît, marchant allègrement vers sa destinée. Le crépuscule va venir sur la route calmée, déserte, mais elle gardera longtemps la chaleur du jour. La source fraîche coule au bord des chemins tapissés de cressons. On ne la voit plus, mais on l'entend couler. Et sous les branches, dans les sentiers profonds, l'ombre va se faire avec le silence. 1875. Les roses. Le grand jardin s'étend à droite, le long de la route. Sous les arbres magnifiques, court un cordon de rosiers, couvert par milliers de roses merveilleuses. Elles pendent en grappes, elles se groupent en panaches, elle s'isole comme une offrande au bout d'une haute tige. Fière de leur beauté, riche de leur couleur, prodigue de leur parfum, rouge, rose, blanche, elles éclatent sur la sombre verdure comme les notes sonores d'une chanson. Et pour accompagnement discret, tout le long du cordon, on retrouve la douce teinte ambrée des rosetés. On les regarde, on les respire, et on ne peut en cueillir une seule. Gloire du jour, tentation des yeux, elles sont trop haut et trop loin. Et puis, elles ne sont pas à nous. 1876. Le chèvrefeuille. On marche solitaire dans des sentiers étroits qui décrivent des zigzags capricieux. les ornières ourlées d'herbes sont profondes, parfois un peu d'eau, restée de la dernière pluie, y reflète un lambeau de ciel bleu. Un papillon traverse le chemin, une fleur frôle votre visage. C'est le chèvrefeuille qui vous offre ses bouquets odorants, légers comme un rêve, parfumés comme un souvenir, dont l'odeur délicate vous suit et vous hante. 1876. Les coquelicots. Le ciel est gris, on marche dans le sable à peine maintenu par les traînes des liserons. Le sentier est étroit, on regarde à ses pieds pour ne pas tomber en bas de la petite falaise, pendant que les grains brillants de quartz s'éboulent avec un bruit cristallin. Jaune grisâtre, le sentier, gris jaunâtre, le ciel. Sait-on seulement de quelle couleur est le champ que le pied contourne distraitement? Tout à coup, le vent emporte une large nuée, l'espace s'emplit de chaleur et de vie. Le sentier pailleté semble d'or, et une nappe de soleil tombe sur le champ de coquelicots qui flamboie et resplendit comme une fournaise. 1876. Sentier vert. À gauche de la route, un double rideau d'arbres énormes descend en ondulant vers la rivière. Il recouvre un sentier capricieux, encaissé, où les charrettes ne passent jamais, quoiqu'il soit plein d'ornières. À peine rarement un cheval au bas chargé de trémènes en fleurs. Sous cet abri tout est vert. La lumière qui le traverse est d'un vert doré. Les racines des hêtres qui sortent de terre sont revêtues de mousses vertes et veloutées. Vertes aussi les grandes herbes qui montent jusqu'aux genoux. Et le sentier descend en faisant mille détours sous la voûte des grands frênes, dont le feuillage ailé papillote doucement. Il semble qu'on vivra éternellement dans cette clarté verte et chaude qui s'insinue partout, ne laissant nul recoin obscur. Ainsi les âmes fermées, quand par hasard elles se laissent pénétrer. 1876. Ma fille. Jeanne a 18 mois environ. Elle est si belle que les femmes, d'humbles femmes du peuple, m'arrêtent souvent quand je pousse ma petite voiture pour me demander la permission de la regarder, même de l'embrasser, afin que l'enfant qu'elles espèrent soit aussi beau qu'elle. Je m'y prête volontiers, fière de cette beauté intelligente et douce où perce une pointe de raillerie bien française. Un après-midi que je poussais péniblement la petite voiture sur la rude montée de la rue Lepic, arrivait presque en face de notre maison, une femme en cheveux, vêtue d'un peignoir de coton à 59 sous, s'arrête brusquement devant une table de café. Je n'ai pas prévu le mouvement, et la roue de devant de ma petite voiture effleure la traîne du peignoir de 59 sous. « Oh, madame, dis-je, je vous demande bien pardon, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. » Le peignoir s'est tourné vers moi et les cheveux m'accablent d'impertinence. J'écoute silencieusement et quand le peignoir reprend haleine, « Je suis encore bien plus fâché, madame, » dis-je tranquillement. « Si j'avais su, je vous aurais dit que je l'ai fait exprès et que j'en suis bien aise. » Avant que le peignoir fût revenu de son ahurissement, Jeanne, la petite voiture et moi, nous étions en sûreté. Mon extrême politesse envers des inconnus ne m'a guère jamais valu que des sottises. Et encore, quand je dis des inconnus, 1874. Mort de Jeanne. Jeanne va mourir. Mon enfant adoré, dont les yeux bruns lisent jusqu'au fond de mon cœur, va cesser de respirer. Et ce sera fini pour jamais. Elle mourra aujourd'hui, cette nuit au plus tard. J'ai écrit il y a 15 jours à ma famille pour demander qu'on m'aide par une avance sur un roman accepté à Saint-Pétersbourg à lui procurer les médicaments et les soins nécessaires. On m'a refusé. Alors tous mes bijoux, mon alliance aussi, et que c'est cruel, sont allés au Mont-de-Piété, car nous sommes trop fiers pour encourir le risque d'autres refus, et Jeanne n'a manqué de rien. Le lendemain, quelqu'un doit partir pour la Russie et m'a proposé d'emporter mon roman. Cela m'économiserait 15 francs de port. Je n'ai pas le droit de refuser, et cependant Jeanne va mourir. Je l'ai assise dans son berceau, sa pauvre poitrine se soulève péniblement. De temps en temps elle me tend les bras, et je la prends contre mon cœur. Je couvre de baisers le cher visage défiguré par la rougeole, et puis je la remets dans son petit lit. Il n'y a que 2 ou 3 pages de dénouement à écrire, mais il faut bien les écrire, ces pages. Enfin, c'est fini. La nuit est venue, je puis garder Jeanne sur mon cœur. À 1 heure du matin, elle meurt. Le premier courrier m'apporte une lettre de là-bas. Jamais personne n'est mort de la rougeole. Ne pourrais-tu nous laisser tranquilles avec tes imaginations ? Elle est morte, pourtant. Le roman était La princesse au Guerrof. Il a eu des millions de lecteurs et un nombre d'éditions considérable. Je n'ai jamais pu en relire une ligne, même pour en corriger les épreuves. 30 avril 1875. La jetée. Sur le parapet de granit, où les vagues qui l'escaladent aux hautes marées ont laissé de petites coupes de sel marin, on se penche, on s'affermit des 2 mains, et l'on regarde. Les vagues arrivent du large par grandes ondulations profondes. Comme elles approchent, les rochers dont est garni le fond les creusent en un remous qui les lance éparpillés contre la jetée. Elles se brisent, puis le flot court avec précipitation en arrière à la rencontre d'une autre vague qui arrive rapidement. Le choc de leur masse les projette en gerbes brillantes qui retombent en pluie dans le creux du remous où les rochers noirs montrent leurs pointes aiguës. Si on se laissait tomber, pourtant. 1882. Étoile. Une étoile se montre au ciel, puis une autre. On se retourne, les cieux s'emplissent d'étincelles, le regard se perd là-bas, sur la mer sombre, dans le firmament lointain, à l'endroit où il est coupé par la ligne des flots. Quand on relève la tête, on voit par-dessus soi la voie lactée, semblable à une poussière d'étoiles qui tomberait en pluie derrière les collines. 1882. La rage. Pasteur vient encore d'imaginer une de ces magnifiques expériences si simples. Il a montré que les poules ne contractent jamais le charbon, parce que le microbe de cette maladie ne supporte pas la température de leur sang. Il fait tremper une poule vivante dans l'eau froide et lui inocule le charbon. Elle tombe malade et finit par mourir. Mais s'il la retire de l'eau, son sang se réchauffe et elle guérit. Cette expérience a réveillé en moi un vieux souvenir. Il y a 17 ans, en Russie, à la campagne, je fus mordu à la main par un chien enragé, qui mordit en même temps mon petit chien. Je n'en soufflai mot à personne, craignant d'être étouffé entre 2 matelas, mais je fis rougir un fer à tuyauter et je cautérisai ma blessure. Mon chien mourut de la rage sous mes yeux, quelque temps après. Ayant parlé plus tard de ce qui m'était arrivé, j'appris que dans certains gouvernements de la Russie, les paysans mordus par des chiens enragés sont mis dans une étuve surchauffée d'où ils sortent, dit-on, guéris ou morts. La rage aurait-elle pour cause un microbe qui, comme celui du charbon, mourrait à une certaine température ? Par l'intermédiaire de notre grand ami Henner, je vais écrire mon idée à Pasteur. Pasteur m'a répondu. Il me demande des renseignements supplémentaires que je n'ai pas sur cette étrange thérapeutique. Il ajoute, si jamais je m'occupe de l'affreuse maladie, je me souviendrai de ce que vous m'avez écrit. Qui sait ? Il aura peut-être l'occasion de s'en occuper. Et s'il en trouvait le remède, ce ne serait pas pour moi une petite gloire que d'avoir attiré son attention de ce côté. 1878. Et Pasteur s'est occupé de la rage, et il en a trouvé le remède. Ce n'est pas du tout ce que j'avais indiqué, mais sans moi, y eût-il jamais songé ? Et je me sens très heureuse et très fière, plus heureuse encore que fière, car je n'ai pas de petite gloriole. 1897. Paysage parisien. La grande masse de verdure du cimetière Montmartre, déjà jaunissante, s'étend comme une mer houleuse dont les vagues seraient à jamais figées dans l'immobilité. Derrière, très loin, une rangée de maisons où s'allument quelques fenêtres. Plus loin encore, un océan de vapeurs d'un gris fin, d'où émergent 3 cimes, le dôme de Saint-Augustin, les tours du Trocadéro, l'arc de l'Étoile. À peine entrevu, dans l'extrême éloignement, le dôme des Invalides avec une faible paillette d'or pâle au flanc. Sous la fenêtre, mes arbres se tordent doucement, avec des mouvements de nymphes qui s'étirent. La rue blanchâtre, vide, sans maison, semble très vaste. Le silence s'étend comme un morne fluide subtil qui prendrait possession du monde à la nuit tombante. Est-ce bien Paris, un soir d'été déclinant, ou bien une ville morte où, de temps en temps, passe furtivement une robe sombre? La lune de la moisson descend dans un ciel absolument pur, mais où sa splendeur ne permet pas de voir une seule étoile au-dessous du zénith. Le cimetière est gris foncé, la ville n'existe presque pas, une simple transition, pas une seule lumière visible, le cercle de collines se détache nettement sur le ciel un peu plus clair, aucun nuage, aucune vapeur, aucune lampe, rien que du gris et la lune d'argent. Rien que la masse noire du cimetière. À gauche, une seule lumière dans le noir, très brillante. Vers le milieu, le reflet de la place, dont les maisons apparaissent vaguement dans une lueur ambrée, très douce. Tout le reste noir, noir, noir. Au-dessus de cette masse sombre, le dôme de Saint-Augustin, plutôt deviné que vu. Au-delà, une vapeur grise, d'un gris sombre extrêmement doux. Juste au milieu, à une distance de l'horizon égale à celle de la masse noire, la lune aux trois quarts pleine, très lumineuse, dont les moindres détails sont visibles. Au-dessus, le gris, à peine plus éclairé. Rien de plus. Merveille. Trois couleurs sans demi-teinte. Noir, or et gris, et tout est une demi-teinte. Il pleut. Sans augmenter ni diminuer, la pluie tombe toute droite, en grosses gouttes. De la fenêtre, on voit tout près, à la portée de la main, la verdure trempée et brillante. Un peu plus loin, elle s'adoucit et devient cendrée. Les arbres du jardin forment une masse confuse, puis rien au-delà que du gris. Un gris uniforme, argentin, délicieux. Plus d'horizon, plus de maison, plus de jardin, plus rien. Tout se perd dans le brouillard d'argent qui n'est pas un brouillard, pas même une vapeur, qui n'est ni opaque ni transparent. Qui est ? Voilà tout. Il fait tiède, presque chaud. Pas de vent, pas même une ondulation de l'air, et dans ce calme on entend le bruit de la pluie sur les feuilles. Il semble que cela ait toujours été, que cela doive être toujours de même. Une impression de douceur attendrie, exquise, se dégage de ce gris fin, et la pensée assoupie ne va même plus jusqu'au rêve. On sent, on écoute, on regarde, et tout mouvement serait une souffrance. 1878. Fin de la section 2.